Effectuer un retour aux études ou poursuivre ses études, toutes les raisons sont bonnes. On vous offre un horaire à temps complet ou partiel, des cours de formation générale de jour et en soirée et la possibilité de débuter en tout temps. Contactez vos centres d'éducation des adultes à Saint-Félicien-Robertval, Dolbeau-Mistassini et Normandin. On va parler des Saguenay de Scoutimi. On sait que demain soir, au complexe sportif du secteur de Dolbeau, c'est le match entre les Saguenay de Scoutimi. Match à guichet fermé. Les billets se sont vendus en à peu près 4 heures. Et je voulais avoir des réactions du président des Saguenayens devant cet engouement que suscite ce match-là. Moi, honnêtement, je suis un peu surpris. On va parler avec Richard Letourneau. Salut, Richard. Bonjour, M. Veilleux. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Richard, avant de commencer les questions, on a perdu un bénévole ici, un grand bénévole à Dolbeau-Mistassini. Ça fait 40 ans. Il était 40 ans dans le hockey mineur impliqué à Dolbeau-Mistassini. Moi, je suis en croisade actuellement parce que je veux que les Saguenayens, pas les Saguenayens, je veux qu'ils soient honorés demain entre les Saguenayens et les Remparts. Si on demandait, si le hockey mineur vous appelle et vous demande de faire une minute de silence en l'honneur d'un grand bénévole qui a été 40 ans, Jean Ouellet, les Saguenayens n'auraient pas d'objection. Non, on n'aurait pas d'objection par rapport à ça. Écoutez, quand on parle de hockey, on a tous la même mission. Donc, effectivement, s'il y a un grand bénévole qui nous quitte, c'est la moindre des choses de pouvoir honorer sa mémoire. Ben oui. Donc, et justement, parce qu'on m'a dit du hockey mineur, le protocole vient des Saguenayens. Donc, écoutez, je pense que ça, effectivement, ça sera aux personnes en place à parler avec notre personne aux opérations, mais normalement dans ce genre de choses-là, on est quand même assez compréhensif. C'est bien sûr que si c'était quelque chose qui durait une demi-heure, ça serait pas pareil. Mm. Et quelque chose qui dure une minute, habituellement, je pense qu'on peut être d'accord avec ça. Normalement, écoute. Es-tu surpris? Moi, honnêtement, je suis surpris parce que j'avais dit les Saguenay contre les Cataractes à Dolbeau. C'est 1000 personnes garanties compte tenu du succès, parce que Samuel Girard traîne quand même beaucoup de monde de Robertval à Dolbeau, mais et un peu partout. On dit qu'il y a au moins 300 personnes là, qui suivent les prouesses de Samuel. Es-tu surpris de ça qu'en 4 heures, les billets se sont tout vendus? Surpris, oui et non. Disons agréablement surpris par rapport au fait que ça soit fait en 4 heures. Possiblement. Par contre, nous, on n'était pas inquiets là, de pouvoir vendre ou de que l'association Hockey Mineur soit capable de vendre leur billets. Vous savez que les Saguenayens font partie de l'imaginaire ou de la réalité régionale depuis maintenant. On est quand même la 45e année. Donc, puis on se beaucoup de souvent une fois, on se fait dire qu'est-ce que les Saguenayens peut faire pour les gens du lac Saint-Jean, etc., etc. Puis ça faisait quand même plusieurs fois qu'on se faisait dire ce serait le fun d'avoir un match, pouvoir avoir un match qui joue au lac Saint-Jean. Puis effectivement, on se rend compte que c'est un engouement qui est intéressant. Puis effectivement, c'est quelque chose qu'on veut faire quand même annuellement, c'est-à-dire d'aller faire au moins un match au lac Saint-Jean. On se dit une équipe régionale, on se dit qu'on veut participer au niveau de la région. Donc, je pense que c'est une belle façon là, de le démontrer. Puis en même temps, que les gens du lac Saint-Jean puissent voir notre équipe de hockey. Mais, et aussi, Richard, on va se le dire, là, votre printemps que vous avez eu, c'était la fièvre de partout au sein du lac Saint-Jean. Là. À quelque part, ça a dû paraître sur la campagne de billets de saison, ça a dû paraître sur tout, là. Parce que je pense que vous marchez encore sur ça là, actuellement. Ben effectivement, c'est sûr que le printemps que les Saguenayens ont eu a permis effectivement là, de raviver la flamme. Puis beaucoup du monde du lac Saint-Jean sont revenus au Saint-Georges, ont retrouvé le chemin du Saint-Georges effectivement. Puis c'est ça. Là, je veux dire quand on a pris 2 ans, que la première chose qu'on a parlé, de fierté et on a parlé d'appartenance. Ouais. Puis effectivement, moi le premier, j'étais pas inquiète à savoir que les partisans pouvaient être fiers de leur club puis pouvaient se réapproprier le club. Maintenant, c'était à nous de leur démontrer notre sérieux puis notre bon vouloir par rapport à ça. Okay. Donc effectivement, à ce niveau-là, ça s'est fait. J'étais pas inquiète que les gens embarqueraient. Puis effectivement, on, tu sais, dans le fond, on fait exactement ce que l'on a dit depuis 2 ans, puis on avance pas par pas, puis c'est comme ça, je suis pas capable de démontrer à tout le monde notre sérieux puis notre bon vouloir. OK. Richard, si on parlait un peu de la campagne de billets de saison, comment ça s'est été de ce côté-là? Ouais, parlons pas au passé, parlons au présent. Dans le sens que, dans un premier temps, on a fait une offensive de printemps, là, c'est-à-dire jusqu'au 31 mai, qui nous a permis quand même d'aller chercher quelques centaines de nouveaux détenteurs de billets de saison. Je pense que ça, c'était intéressant. Maintenant, à partir de cette semaine, aller jusqu'au début de la saison, donc pour le prochain mois, là, c'est vraiment la continuité de notre campagne de billets de saison, où effectivement, là, on va continuer à promouvoir puis à demander aux gens là, les anciens détenteurs de billets de saison, ben, de renouveler. Puis par la suite, de démontrer là, qu'on a quand même un bon produit. Puis les objectifs, écoutez, ça a parlé de chiffres, ça serait d'avoir quand même une augmentation par rapport à l'année passée. Là. Fait qu'on parle, c'est ça, là, d'être capable au moins, ben avec les quelques centaines de billets qu'on a vendus de plus, ben vous savez qu'on avait quand même une clientèle assez vieille en termes de détenteurs de billets de saison. Donc au moins, ça nous permet effectivement d'avoir plus de billets de saison vendus que l'année passée. Ah, c'est. Puis est-ce que vous avez un petit peu de où c'est ça devient? Parce qu'on vient de parler du lac Saint-Jean. Est-ce qu'il y a une partie du lac Saint-Jean aussi qui est. Est-ce que vous êtes au courant de. Non, je pense que ça va être peut-être plus d'ici la fin de la campagne là, qu'on va être capable d'évaluer là, d'où proviennent nos billets de saison. C'est sûr qu'on a quand même, pour les gens du lac, c'est pas nécessairement évident là, d'avoir des billets de saison là, quand il faut venir pendant l'hiver, pendant la semaine, etc., etc. Donc, on regarde possiblement pour avoir de quoi qui pourrait être intéressant aussi pour les gens qui veulent venir juste les fins de semaine là, avec la famille. OK. Parce que c'est pas facile. Là. C'est pas facile faire du hockey junior et ainsi de suite, mais c'est toujours la victoire. Là. Puis le fait que c'est une équipe en reconstruction aussi cette année, parce que rénovation, je dirais, parce que ça va dépendre beaucoup de Routsoff encore. Puis l'autre russe hier qui a montré 3 buts hein, pour un gars de 6 pieds 4 pouces, ce gars-là, là, 200 livres à peu près. Va dire une affaire. Je peux vous dire que c'est une bonne pièce. Effectivement, là, pour un jeune de 17 ans, là, je peux vous dire que c'est une bonne pièce. C'est arrivé quand même en excellente condition physique. Dans les tests physiques que les joueurs ont eu à faire avant le début avant les séances de patinage de lundi. Ben, vous savez, le fameux test des paliers, là, ben, effectivement, Kotlov a été jusqu'à l'avant-dernier, c'est-à-dire que on voit là qu'il a quand même une excellente forme physique. Puis pour le reste, ben, laisser à notre département hockey le soin de polir ce beau diamant qu'on a entre les mains pour les 3 prochaines années. OK. C'est vraiment, vraiment un diamant. C'est vraiment intéressant comme prospect. Là, parce qu'avec la ligne russe, ça, c'est les Canadiens, s'en ont débarrassé. Mais avec Routsoff et avec Kotkov, ça pourrait être excellent. Hey, dis-moi, on va y aller en rafale. J'ai 2-3 petites autres questions, Richard. Le dossier du descripteur. Moi, j'attends après ça pour commencer les collaborations hebdomadaires. Quand est-ce qu'il va être nommé? Le dossier du descripteur, je vous dis que c'est pas mal. C'est réglé, je vous dirais, à 80-85. Okay. En fait, d'ici une semaine ou deux, ça va être réglé officiellement. OK. La bière, vous avez lancé une nouvelle bière. Est-ce que je pense qu'il y a maintenant des tablettes, là, hein? Oui, maintenant, écoutez, on a lancé notre nouvelle bière hier. Ça a été un bon succès. Les partisans ont bien apprécié. Puis normalement, donc à partir de maintenant, elle est au Saint-Georges. À partir du début de la semaine prochaine, elle va être dans les différents. À partir de ce matin, les commerçants pouvaient commander la bière. Donc normalement, début de semaine prochaine, elle devrait être sur les tablettes là, des commerçants qui vendent les produits de la voie maltée. Allez, Richard, en terminant, la Ligue américaine de hockey ont des matchs à 11h le matin. Ça arrive souvent, ça, 10h, 11h le matin. C'est probablement pour les écoles, pour peut-être avoir des ententes avec les écoles. Est-ce qu'une organisation comme les SAGS pourrait risquer ça, mener un match à 11h le matin pour avoir les écoles un peu, tu sais, les écoles de la région? Non, à prime abord, là, c'est pas okay. quelque chose qu'on envisage, là, surtout pas okay. avec Clément. OK, OK. Ben, Richard, est-ce que tu vas être là demain? Non, je peux pas être là demain. Moi, je suis là présentement, je laisse mon poste de président. Ah, OK. Je laisse pas mon poste de président. Présentement, je remplis mon rôle de gouverneur, donc je suis à Montréal là avec des réunions aujourd'hui et demain là pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Okay. Donc effectivement, je vais penser avec vous, mais je ne serai pas là. OK. Est-ce que Marc Denis va être là? Marc est vraiment la figure la plus connue. Oui, Marc va être là? Oui, Marc, normalement, devrait être là, oui. OK. Ben, Richard Letourneau, au grand plaisir. On va se reparler sûrement une couple de fois durant l'année. Merci, Danny. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Voilà, le président des Saguenay de Scoutimi, Richard Letourneau.